Salut Saïd, c'est Alain. J'ai bien entendu ton message. Ok pour soir le 19, mais pas à 15h. C'est trop tôt pour moi. 16h, ça irait pour toi? Devant la station de métro Rome. C'est bon pour moi. À bientôt!